assis, pas jamais que tirer attention. Yo pire passé assis, avant de commettre infanticide. Relais yo mauvais jet, si yo pas corrigé. Relais yo mauvais jet, si yo pas corrigé. Citron, dans deux trois jours elle vit blanche comme coton. Y a demandé ça lui gagne, pas même maman pas ça dit ou rien. Ça moi semble un danger. J'ai droit de croiser à monter la scène d'avant. Yo comprendre son état, pour y aller l'entrée manger. Yo comprendre son état, pour y aller l'entrée manger. la fini.